Chapitre 8e. Le triomphe de l'ingénieur. Le procès-verbal de la réunion des actionnaires de la Société Générale des Huiles Minérales, reproduit par tous les journaux de New York, avait causé une vive sensation. Le New York Herald lui avait fait les honneurs d'une édition spéciale. Le savant ingénieur était devenu le héros du jour, son nom volait de bouche en bouche, et son portrait avait remplacé, dans les devantures des boutiques, celui du roi de l'huile présentement humilié, terrassé et tombé dans le troisième dessous. Le vicomte Kerlusset, sans se laisser griser par ce succès colossal, se mit immédiatement en devoir de réaliser sa grande conception. Les pompes qui devaient servir de propulseur sur la ligne de canalisation furent commandées dès le lendemain sur un modèle qu'il avait exécuté. Il envoya des géomètres en Pennsylvanie afin de procéder au nivellement. Une semaine s'était à peine écoulée qu'une nuée de terrassiers ouvrait des tranchées pendant que des ouvriers spéciaux commençaient à poser les tuyaux. Pareil à un général qui fait mouvoir les différents corps de son armée, Kerlusset, du fond de son cabinet, dirigeait l'action multiple de l'entreprise. De son côté, Lavernay ne demeurait pas inactif. Lui aussi, il se sentait pris par cette fièvre qui accomplit des miracles. Il organisait des comptoirs dans toutes les villes d'une certaine importance, et il se créait ainsi des phalanges de correspondants. Les jours s'écoulaient de la sorte, lorsqu'un matin Kerlusset vit arriver Nathaniel Frog dans ses bureaux. Le Yankee, un homme avisé, n'avait pas attendu l'achèvement des travaux de canalisation pour faire amende honorable. Cette fois, il était aussi humble et aussi doucereux qu'il s'était montré cassant et impitoyable lorsque l'ingénieur en chef était venu le supplier d'abaisser les tarifs du Grand Ouest. Le nouveau directeur ne put s'empêcher de sourire lorsqu'il remarqua l'air désappointé du fin renard pris à son propre piège. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» lui demanda-t-il après lui avoir offert un siège. « Il y a que je ne suis qu'un écolier en comparaison de vous, » répondit le brasseur d'affaires. « Ah, jeune homme, vous m'avez roulé comme un simple conscrit. Aussi, je vous rends les armes et je vous prie de signer la paix. »« La paix ?» répliqua Kerlusset. « Mais je n'ai jamais été en guerre avec vous, monsieur Nathaniel Frog. Vous avez usé de votre droit en repoussant mes offres, et j'ai usé du mien en me passant les services de la compagnie que vous représentez. »« J'avoue mon péché, » repartit le Yankee. « Je me suis montré trop dur envers vous, et je suis tout prêt à rétablir les tarifs primitifs. »« Ma canalisation amènera nos produits à meilleur marché, » objecta l'ingénieur. « Eh bien, nous abaisserons nos anciens prix de transport, » dit Nathaniel, en poussant un douloureux soupir. « Il ne m'est point permis d'accepter, » répondit Kerlusset. « Nos machines sont commandées et les tranchées ouvertes. Je vous indemniserai de vos déboursés. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je suis lié par le vote de l'Assemblée des actionnaires. Je ne puis suspendre les travaux. Savez-vous que c'est un rude coup que vont recevoir nos chemins de fer ?» murmure le Yankee. « Voyons, laissez-vous fléchir. Songez que nos actions ont déjà subi une perte énorme et qu'avant peu, nous serons ruinés. Je vous ai tenu le même langage il y a 3 semaines, » riposta Kerlusset, « et vous avez été impitoyable. Allons, je vois ce que c'est, » répliqua Nathaniel Frog. « Il faut recourir aux grands moyens. » « Et quels sont-ils ? » fit Amaury quelque peu surpris de ces paroles. L'Américain, sans autre préambule, demanda carrément au vicomte de Kerlusset quelle somme il voudrait comme pot de vin pour consentir à reprendre l'ancien traité de tarif. Le vicomte, pâle d'indignation, se leva et d'un geste impérieux lui indiqua la porte. « C'est la première fois de ma vie que j'entends de telles paroles, et sans vos cheveux blancs, c'est par la fenêtre que je vous ferai sortir. » Nathaniel Frog comprit que ce congé était définitif. Il remit fièrement son chapeau sur sa tête et il s'éloigna en prononçant cet aphorisme qui était familier, « Les honnêtes gens, quels imbéciles !» Avant de quitter New York pour rejoindre à Paris plusieurs des principaux personnages de notre drame, nous retournerons auprès du baron Walker, qu'on avait transporté inanimé du théâtre Niblo à l'hôtel de la métropole, dont il n'est qu'une dépendance. Walker était encore privé de connaissance lorsqu'on le déposa dans une chambre des plus confortables de l'hôtel. Des secours immédiats ne tardèrent pas à arriver, car dans les grands établissements du Nouveau Monde réside à demeure un médecin de service tenant cabinet de consultation et toujours prêt à donner ses soins aux hôtes de l'endroit. Le médecin qu'on avait appelé en toute hâte auprès de Walker un vieux praticien des plus experts, déclara, après un court examen, qu'il se trouvait sous le coup d'une congestion cérébrale et qu'une saignée immédiate pourrait seule le rappeler à la vie. Au moment où il se disposait à pratiquer cette saignée, il s'aperçut que le malade tenait un papier dans sa main crispée. À la forme et à la couleur, il reconnut que ce papier était un télégramme du câble transatlantique. « C'est sans doute, dit-il, une nouvelle fâcheuse apportée par ce chiffon qui aura causé l'attaque d'apoplexie. » Il voulut retirer le papier, mais y renonça bientôt. La crispation de la main était telle qu'il aurait fallu lacérer la dépêche pour pouvoir la prendre. Le bras du baron avait été mis à nu. Le médecin donna un coup de lancette. Une gouttelette de couleur foncée apparut d'abord. À cette gouttelette, d'autres succédèrent, puis un flot de sang partit enfin. L'effet de cette abondante saignée ne tarda pas à se produire. Le malade éprouva une sorte de frémissement dans tous les membres, puis l'entr'ouvrit les yeux et regarda d'un air étonné autour de lui. « Où suis-je ? » demanda-t-il. « Vous êtes à l'hôtel de la métropole, monsieur le baron, » répondit le docteur. « Et pourquoi cela ? » dit Walker d'une voix faible. « Vous vous trouviez au théâtre Niblo, lorsque la chaleur sans doute vous a incommodé. Vous avez eu un évanouissement et l'on vous a transporté ici. Ah, je me suis évanoui. Un peu de congestion. Dans 8 jours, avec du calme et du repos, vous pourrez, en usant toutefois de ménagement, vaquer à vos affaires. Je n'ai pas le temps d'être malade, répliqua le baron. Puis, ses idées reprenant peu à peu leur clarté, il se souvint du télégramme qu'il avait reçu et il demanda ce qu'il était devenu. Vous le tenez encore à la main, répondit le médecin en souriant. « Mais je vous le répète, il vous faut du repos et un régime sévère. Écrivez votre ordonnance et je ferai en sorte de la suivre, » dit Walker. Le docteur prit une feuille de papier et libella une ordonnance longue d'une page. « Y a-t-il dans cette chambre un meuble fermant à clé ?» demanda ensuite le malade. « Il y a ce secrétaire que vous voyez. C'est bien. Veuillez prendre cette dépêche et enfermez-la dans ce secrétaire dont vous me donnerez la clé. » Le docteur ouvrit le meuble, y déposa le télégramme et retira la clé qu'il remit à Walker. Walker la plaça sous son oreiller. « C'est tout de même un rude homme, » pensa le médecin en se retirant. Une attaque qui aurait abattu un bœuf lui laisse toute sa présence d'esprit et toute l'énergie de sa volonté. Il est capable de reprendre demain sa vie habituelle. La potion prescrite par le docteur fut des plus efficaces. Le baron, au bout de quelques minutes, se sentit envahi par un irrésistible besoin de dormir, et il s'y abandonna sans tenter la moindre résistance. Par surcroît de précaution, un domestique infirmier fut laissé auprès de lui, avec ordre de faire prévenir le médecin s'il survenait un accident. Mais pas ne fut besoin de recourir à cette morsure. Walker dormit paisiblement, et il était déjà grand jour quand il se réveilla le lendemain. Quelques instants après, le médecin, averti par l'infirmier, était dans la chambre du malade. « Comment vous trouvez-vous ? » lui demanda-t-il. « À peu près bien, sauf une barre douloureuse autour du front, » répondit le baron. « C'est la conséquence logique de votre indisposition, mais ces symptômes auront disparu sous 2 ou 3 jours. Ne pourrais-je pas sortir aujourd'hui pour mes affaires ? Je vous l'interdis d'une façon absolue. » Toute imprudence de votre part sera suivie d'une rechute plus grave que le premier mal. Mais, cependant, les affaires, objecta Walker, tout frémissant d'impatience. Il est une affaire qui doit primer toutes les autres, répliqua le docteur. C'est de recouvrer d'abord la santé. Pourrais-je au moins recevoir quelques visites ? Demain seulement, si la nuit prochaine est bonne. On vous obéira, fit le malade d'un ton de mauvaise humeur. Puis bientôt il ajouta. « Croyez-vous que je puisse me lever pendant 1 heure ou 2 ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Pourvu que vous ayez soin de vous envelopper dans une bonne robe de chambre bien chaude, et surtout que vous teniez l'esprit en repos. Ceci sera plus difficile, » soupira le baron. Le docteur, à peine parti, Walker, profitant de la permission octroyée, se levait, aidé par l'infirmier, et s'enveloppait dans une robe de chambre qu'il avait envoyé chercher à son hôtel. Il prit ensuite la clé sous son oreiller et il voulut se diriger vers le secrétaire, mais il avait trop présumé de ses forces. Aussitôt qu'il fut debout, Une sorte de vertige le saisit. Tout semble à tourner autour de lui. Il serait tombé si son gardien ne fût accouru pour lui apporter le secours de son bras. « Quelle misérable machine que l'homme !» fit le baron avec un sourire amer. « La moindre chose la détraque, un grain de sable suffit pour arrêter ses rouages et les briser. » Il s'était mis tout pensif au coin du feu qu'on avait allumé, puis s'adressant à l'infirmier. « Mon ami, veuillez me rendre un petit service. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi le télégramme que j'ai fait placer dedans. » L'infirmier s'empressa de se rendre à ce désir. Walker déplia le papier et le lut lentement. Puis, comme s'il croyait avoir mal compris, il le lut une seconde fois. Et longtemps il demeura absorbé dans ses réflexions. Évidemment, sa grande préoccupation n'était pas en ce moment l'écroulement de l'immense entreprise qu'il avait tenté d'accaparer de compte à demi avec Nathaniel Frog. Il avait succombé dans la lutte, il est vrai, mais il lui restait, comme fiche de consolation, la plus-value de ses actions qu'il avait vendues lors des hauts cours, la bagatelle de 7 à 8 millions qu'il avait encaissée et versée dans le Grand Ouest avec 10 autres millions. C'était certes plus qu'il ne fallait pour se lancer dans quelque autre grande spéculation. Ainsi que nous venons de le dire, sa préoccupation devait avoir pour objet le contenu du télégramme qu'il avait reçu la veille. En effet, c'était là l'unique cause de son anxiété. Mais alors, que renfermait donc de si étrange, de si grave, cette dépêche qui avait failli le tuer? C'est ce que nous ferons connaître dans la suite de ce récit. Walker, après une longue méditation, murmura tout bas. « Rien n'est perdu encore si, sous une vingtaine de jours, je puisse être de retour à Paris. Mais pour cela, il faut que je sois fort. Allons, ajouta-t-il, je ne me pense à rien. Je veux momentanément oublier. Alors, et pour éloigner les idées qui s'imposaient à lui malgré tous ses efforts, il demanda un journal du matin. L'infirmier sortit et revint bientôt avec le New York Herald. Il prit la feuille, regarda tout de suite au cours de la bourse et poussa un rugissement. Mais croyant cette fois encore s'être trompé, il rendit le journal à l'infirmier et le pria de lui lire le dernier cours des actions de la Société Générale des Huiles Minérales. « 190 $, lut son gardien. « 190 $, c'est impossible, reprit Walker. Hier, elle n'avait pas de preneur à 40. « On a fait 195 après la bourse, répliqua l'infirmier. « Voyons ce que dit le bulletin, continua le malade en lui reprenant brusquement le journal des mains. À mesure qu'il lisait, son émotion grandissait. Et la chose se comprendra facilement. Le bulletin racontait tout au long la merveilleuse idée de canalisation qu'avait conçue le vicomte de Kerlusset. « Un véritable trait de génie, se dit-il, et pensez que d'autres que moi s'enrichiront avec cette conception grandiose. Mais voyons ce que font les actions du Grand Ouest, où j'ai placé tous mes capitaux. » Il chercha la côte des valeurs industrielles, puis poussa un second cri, un cri de stupeur et de désespoir. Les actions du Grand Ouest avaient baissé de 80 $. Pour lui, c'était la ruine où peu s'en fallait. Tout aussitôt, le sang afflua à son cerveau. Le New York Herald lui échappa des mains. Il s'affaissa sur lui-même. « Une nouvelle attaque !» s'écria l'infirmier en se précipitant hors de la chambre pour aller quérir le médecin. Ce second assaut de la maladie fut beaucoup plus grave que ne l'avait été le premier. Le baron eut un commencement de paralysie de la langue, mais grâce à des médications énergiques et à sa vigoureuse constitution, il parvint à triompher du mal. Son premier soin, dès qu'il put se tenir debout, fut de limiter ses pertes. Après avoir vendu ses malencontreuses actions qui avaient subi une nouvelle baisse, il lui restait 4 millions environ, sans compter son magnifique hôtel de Paris et les richesses artistiques qui l'enfermaient. C'était 3 millions au moins à ajouter aux 4 autres. « Je suis parti de 50 fois plus bas, » pensait-il, « et je suis encore assez riche pour entreprendre une dernière affaire, la plus fructueuse de toutes, mon mariage avec Irène. » À dater de ce moment, il n'eut plus qu'une idée fixe, se rétablir promptement. Vaincu, terrassé en Amérique, il n'aspirait plus qu'à prendre sa revanche en France. La volonté exerce sur le corps une influence indéniable. Le baron Walker voulait vivre et il vécut. Son organisme, ébranlé par d'aussi rudes secousses successives, finit par reprendre son ancien équilibre. Chaque jour, le médecin qui venait le visiter constatait une amélioration sensible. « Bientôt, lui dit-il, je signerai votre exéate, et vous pourrez faire sans danger la traversée de l'océan. »